sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Les philosophes emprisonnés, une série d'Élise Gruau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a Voltaire prisonnier. À 23 ans, il a fait d'insolents vers de mirliton contre les amours du régent. Sorti de prison, c'est décidé désormais, il écrira des choses qui pèsent, quitte à être enfermé, que ce ne soit pas pour rien. Mais il y a aussi cette idée, comment la pensée négocie avec la captivité et pourquoi le pouvoir ressent le besoin de mettre les idées à l'arrêt. Et puis il y a des trajectoires qui font comme une drôle de généalogie. Averroès, Solzhenitsyn, Sade, Bacon, More, Montaigne, Proudhon, Stern, Gramsci, Delbault, Tillon. Et puis il y a le pouvoir religieux, qui met à l'ombre la pensée quand elle contredit les Écritures. Alors pour commencer, les personnages. Des penseurs voyageurs, des scientifiques exaltés, un grand inquisiteur, des hommes d'église, un pape lettré, un courtisan sincère, des protestants, un copernicien, un comédien et des historiens. Ensuite, le décor, l'infini et les étoiles, les rues romaines, les jardins du Vatican et les couloirs des archives secrètes, un bûcher dans la ville, le soleil, le cri des martinets et la Piazza Navona. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est la nuit. Philosophie et religion, le risque d'hérésie. Giordano Bruno et Galilée face à l'Inquisition. Ainsi, Élise Gruau, il n'y aurait pas de différence entre la Lune et la Terre. Apparemment pas. Il n'y a pas 10 ans qu'un homme a été brûlé à Rome. Il s'appelait Giordano Bruno. Bruno avait raison. Et il avait précisément soutenu cela. Il découvre aussi que les étoiles qu'on voit sont innombrables. Certes. Et nous, le voyons. À l'œil nu, on peut compter à des milliers les étoiles. Est-ce que là, ça devient impossible de les numérer? Elles sont tellement nombreuses. Alors peut-être, Bruno avait raison de dire que l'univers est infini, qu'il y a des soleils infinis, que chaque étoile est comme notre soleil. Et donc il y a des planètes. Donc il pourrait y avoir d'autres êtres vivants ailleurs. Et s'il y a d'autres êtres vivants, alors Christ est-il venu pour tous? Il a dû faire le passage d'une planète à l'autre habitée pour sauver les hommes. Aujourd'hui, 10 janvier 1610, l'humanité inscrit dans son journal « Ciel aboli ». Eh bien, c'est pas un ostensoir ni un reliquaire. Ça contient la lentille oculaire qui, d'après la tradition, aurait permis à Galilée de voir les satellites de Jupiter. Pietro Redondi. Sa découverte astronomique principale. Il y a Jupiter, et puis il voyait apparaître d'abord une, puis deux, puis trois, enfin quatre satellites. Donc il a formulé l'hypothèse qu'il décrivait une orbite circulaire autour de la planète principale, Jupiter. C'est-à-dire l'architecture et la structure, elle n'y tient plus. Tout ne tourne pas autour de la Terre. Donc il faut repenser la physique cosmique. C'est un véritable défi intellectuel qui déplace le débat de la lunette, de l'astronomie, à la philosophie naturelle et à la théologie. Tout se tient. Et tout commence à entrer en un frottement et engendrer des collisions dangereuses. Adesso cerchiamo Bellarmino perché non mi ricordo in quale. Allora, qui è sepolto. Ici est enterré Robert Bellarmin, santo della Chiesa cattolica. Saint de l'Église catholique. Le grand inquisiteur. E diventò cardinale sia dell'Inquisizione Ugo sia Baldini. Della congregazione del Vincio. Bellarmin a été à la fois cardinal de l'Inquisition romaine la massima autorità dottrinale et de la congrégation de l'Index romana nei primi anni del 600. Il était la plus grande autorité doctrinale du début du 16e siècle. Era stato detto da Bruno. Et c'est lui qui a rassemblé toutes les étapes du procès de Giordano Bruno et qui l'a mis dos au mur. Et gli dice, tu credi questo, credi questo, cioè lo mette. Tu penses ceci, tu as dit cela. Spalle al muro. Perché Bellarmino fissa tutte le cose. C'est Bellarmin qui a acculé Bruno en ne lui permettant plus d'échapper aux accusations. C'è una famosa lettera scritta dal cardinale Bellarmino a un frate carmelitano che credeva. Il existe une lettre célèbre écrite par ce cardinal Bellarmin en réponse à un frère carmélite qui pensait pouvoir démontrer la compatibilité entre la Bible et les idées copernicienne. Questo frate diceva in sostanza che alcune espressioni della Bibbia e questa era anche la tesi di Galileo. Et c'était aussi la thèse de Galilée. La Bibbia non potevano essere prese letteralmente. Il disait qu'il ne faut pas prendre à la lettre certains passages de la Bible. Adattate alle credenze. Car ce sont des formulations adaptées aux croyances des peuples auxquels Dieu s'est adressé en 1500 avant Jésus-Christ. Quindi riflettevano le credenze degli ebrei, non la verità fisica. Elles reflètent les croyances des Hébreux, pas la vérité physique. Nella lettera. Mais Bellarmin lui répond dans cette lettre. Si nous acceptons ce point de vue, quali sono le espressioni vere? Qui peut dire quelles sont les expressions vraies et quelles sont les expressions métaphoriques? Se noi accettiamo questo punto di vista. Si nous acceptons ce point de vue, nous ne pouvons plus distinguer dans le texte sacré ce qui est vrai de ce qui est métaphorique. Si apre il crollo. C'est la brèche qui mène à l'effondrement. Si apre la possibilità di una, qui ouvre la possibilité d'un désastre. Di un disastro. Ici en Italie, où l'Inquisition agissait, ce tribunal de la conscience et de la vérité, ce sont surtout les philosophes qui se battaient contre l'aristotélisme au nom d'un retour à la foi naturaliste platonicienne, à partir de Campanella, Bruno, naturellement, jusqu'à la figure de Galilée. Ça, c'est les sommets, les grands auteurs qui ont subi directement cet impact de la contre-réforme au sens de conservatisme de la vérité traditionnelle. Giordano Bruno est un philosophe aujourd'hui redécouvert. Il est né à Nola, c'est-à-dire dans une petite ville près de Naples. Yves Hersant. Il en a tiré son propre surnom, le Nolin. Il a quitté assez rapidement le monastère où il était entré, comme dominicain, et il a vécu une vie d'exilé permanent, de voyageur transeuropéen, avant d'être invité à Venise par un admirateur qui l'a trahi, l'a dénoncé à l'Inquisition de Venise, laquelle l'a emprisonné, puis confié à l'Inquisition romaine. Et au total, il a passé 8 ans environ dans les geôles de l'Inquisition et a été finalement, ayant refusé de venir à résipiscence, comme on disait, condamné à mort. Et il a été brûlé au Campo dei Fiori à Rome en 1600, le 17 février. Je suis venu, moi parmi d'autres, mu par le désir amoureux de visiter cette maison de la sagesse, brûlant ardemment de contempler ce palladium pour lequel je n'ai pas honte d'avoir subi la pauvreté, la malveillance et la haine des miens, les malédictions et les marques d'ingratitude de ceux que j'ai voulu aider et que j'ai aidés, les effets d'une extrême barbarie et d'une avarice absolument sordide, pour lequel je ne me plains pas d'avoir connu la peine, la douleur, l'exil, car en peinant, j'ai profité, en souffrant, j'ai accru mon expérience, dans l'exil, j'ai appris. Le pèlerinage de Bruno dans l'Europe du temps était nécessaire. Bruno est un homme qui aime la liberté. Et de l'autre côté, c'est très intéressant de souligner ce lien très fort entre biographie et philosophie, entre sa pensée et sa manière de vivre. Pour Bruno, la philosophie est véritablement une philosophie qui peut se traduire dans une manière de vivre. Donc, cette façon de parcourir l'Europe, c'est une façon de chercher la liberté et chercher des endroits pour penser dans la liberté. Ce n'est pas un hasard. Dans les pèlerinages qu'il a fait, il a été excommunié par trois églises. L'église calviniste, quand il était à Genève, l'église luthérienne à Francfort, l'église romaine. Et de la même façon, Bruno arrive dans une cour, il est reçu par les rois, parce que quand même ses œuvres avaient une certaine importance à l'époque, mais quand il faut dire ce qu'il pense, Bruno n'hésite pas à le dire. Et c'est ça la nécessité qui l'oblige chaque fois d'aller dans un endroit, avoir des privilèges et tout de suite renoncer à ces privilèges au nom de la liberté de sa pensée. Comment en est-il venu là ? Il le dit lui-même d'une certaine manière. Il dit « Je contemplais le Vésuve et je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait au-delà. » Et à partir de là, il a lancé une réflexion sur l'horizon. L'horizon qui sans cesse recule, à se poser la question de la limite. Et c'est ça le déclencheur de sa réflexion qui le conduira à l'idée que le monde ne peut pas être fini. Et s'il ne peut pas être fini, il est infini. Bruno est le premier philosophe qui donne à la vision héliocentrique de Copernic une impulsion philosophique très importante. C'est-à-dire que une fois que la Terre n'est plus au centre et que le Soleil est au centre, pourquoi pas, dit Giordano Bruno, ne pas aller au-delà de Copernic même, c'est-à-dire d'imaginer un univers infini où le système solaire est un des mille, des milliards de systèmes possibles vivant dans cet univers infini. Mais la question que Bruno pose est une question qui crée une révolution dans tous les savoirs. Dans l'univers infini, le centre est l'individu qui regarde l'infini. Et alors là, la révolution est énorme, parce que toutes les hiérarchies que pendant des siècles avaient dominé la culture sont détruites dans un instant. C'est-à-dire que la petite bête et le grand astre ont le même poids dans la vision de Giordano Bruno. La punaise et de l'autre côté le soleil ont la même dignité, parce qu'au même titre, le soleil et la petite bête sont au centre de l'univers. Penser la relation de cette infinité du cosmos avec l'infinité de Dieu, ça c'est absolument neuf. Et ce qui est neuf aussi, c'est qu'il en tire toutes les conséquences, sur d'autres plans que cosmologiques. Comment penser une nouvelle éthique, une nouvelle morale, dans un univers infini ? Qu'est-ce que ça change si l'univers est infini ? Question qu'on ne s'était pas posée avant lui. L'Église ne pouvait pas rester indifférente à une pensée aussi peu orthodoxe. Ce qui l'exaspérait, c'est cette pensée d'un univers infini qui allait contre toute la pensée dominante de l'époque, pensée pour laquelle le monde était clos et avait été créé de l'extérieur, si je puis dire, par un dieu personnel, un dieu infini, mais extérieur. Le dieu philosophique que défend Bruno, il est plus que présent au monde, il est immanent. Cela n'affecte pas seulement la puissance de l'Église, ça affecte aussi et surtout les bases même de la religion. Comment concilier l'infinité de Dieu avec l'infinité de l'univers? Est-ce qu'il y a deux infinis? Ce serait une absurdité, une contradiction même dans les termes. Et cet immanentisme un peu matérialiste aux yeux de l'Église est une hérésie absolue. Questa è la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, chiamata così perché è stata costruita sui fondamenti di un antico tempio. Voici l'église de Sainte Marie sur la Minerve, construite sur les fondations d'un temple antique de Minerve. C'est à l'intérieur de l'église que l'Inquisition rendait ses sentences en public, au cours d'une cérémonie, en présence de toute la haute société romaine, les dames décolletées, les nobles, les cardinaux. C'était un spectacle. La cattiveria è questa, infatti il condannato era vestito con un vestito. Voilà le mal. Le condamné endossait un vêtement spécial qui descendait jusqu'aux pieds et arborait des symboles étranges. Il était démonisé aussi dans son aspect physique. Se una persona risultava colpevole e non abiurava, allora quand une personne était reconnue coupable d'hérésie et qu'elle n'abjurait pas, alors la peine capitale devenait nécessaire, du point de vue de l'Église. Parce que si l'Église n'avait pas puni la personne qui la défiait, qui prétendait avoir raison contre elle, elle aurait renoncé à sa toute puissance. Et in questi casi la morte era sicura. Bruno défiait l'Église et dans ces cas-là, c'était la mort assurée. Giordano Bruno fu prigioniero per circa 8 anni nel palazzo dell'Inquisizione. Giordano Bruno a été prisonnier pendant 8 ans dans le palais de l'Inquisition où se trouvaient les prisons. Nella sede dell'ufficio. Ma i processi venivano fatti nel palazzo dell'Inquisizione al Vaticano. Les procès avaient lieu aussi dans ce palais du Vatican qui se trouve à gauche des colonnes de la place Saint-Pierre. Comunque è qui, la fila è questa, poi là dentro che c'è. Vedo un attimo perché mi sa che io ho visto salire. Scusate, la scena di sera che c'è. Esternamente, ok, prego. Andate con lui, Daniel, si chiama Daniel. Ok, grazie. Prego. Sì. Insomma, io avete parlato con il signore per fare studiare la storia di questo posto, che è la storia del Tribunale dell'Inquisizione Romana. Alors, questo palazzo aveva anche ce palais abritait aussi les prisons qui se trouvaient dans cette partie nouvelle qui a été reconstruite au 19e, démolendo la parte antica delle après la démolition des prisons et qui donne sur le territoire de l'actuel État italien, sur la place du Saint-Office. Il avait l'aspect d'une prison, d'une forteresse, un aspect très sévère. Palazzo gentilizio, ecco. per cui le carceri si trovavano lì e servivano a appunto ospitare. Les geôles étaient là et servaient à héberger les détenus accusés d'hérésie en attente de leur jugement. Del giudizio. Quanto tempo potevano rimanere in carcere? Dipende. Questo dipende dalla durata dei processi. Alcuni processi duravano poco, altri. Ça dépend de la durée des procès. Certains pouvaient durer des années, voire des décennies. Come nel caso, per esempio, famosissimo di. Comme dans le cas du célèbre philosophe Giordano Bruno, qui fut emprisonné ici, puis fut remis aux prisons civiles de Tor di Dona, près de la place Navone, avant d'être conduit sur le Campo di Fiori pour y être brûlé. Pour être brûlé vif. Si usava anche la tortura, come in tutte le corti e tribunali dell'età moderna, insomma, era una prassi. On recourait aussi à la torture. Era una logica, diciamo così, usare. Comme c'était le cas dans toutes les cours et les tribunaux de l'ère moderne, c'était une pratique hélas normale. Era una logica di verità assoluta. C'était une logique de vérité absolue contre un mal absolu. On l'utilisait seulement pour extorquer une confession. Une abjuration, voir si l'accusé était un relapse, s'il était obstiné ou s'il voulait bien se montrer fidèle à l'Église. Mais c'était dans les cas extrêmes. La vérité absolue ne pouvait être. Et donc la vérité absolue ne pouvait être défendue avec des demi-mesures, des pardons partiels. Con mediazioni, cioè. Il fallait que la personne fasse preuve de repentance. Perdoni partiali, etc. Abjurer. N'effaçait pas la faute, mais la rendait moins grave. Erano mezzi estremi, diciamo, normalmente il processo si avviava con degli interrogatori. La biura, celui qui abjurait, non n'était pas tué. Eliminava la pena, ma la rendeva meno grave. Cioè, chi abjurava non veniva ucciso. Giordano Bruno si rifiutò di abjurare. Giordano Bruno refusa d'abjurer. Alors, il mit les cardinaux devant l'obligation de le condamner à mort, car sinon, ils auraient dû admettre qu'ils étaient eux dans l'erreur. Ce fut un affrontement mur contre mur, face à face. La logique était basée sur l'idée que le catholicisme est la vérité et que la déviation du catholicisme est hérésie. Et que l'hérésie n'est pas seulement une divergence d'idées, mais est l'expression du mal. Il processo anche di Galileo Galilei avvenne a Santa Maria sopra Minerva. Il male doveva essere cancellato alla radice. Le mal devait être extirpé à la racine. Consisteva nel bruciare il corpo. Ce qui impliquait de brûler le corps. L'annullamento del male. L'annulation du mal. Perché il male era dentro il corpo. Parce que le mal est dans le corps. Scompare il male. En brûlant le corps, le mal disparaît. C'est ça la symbolique de la sentence inquisitoriale. Spero che la visita sia stata interessante. Qui potete vedere appunto. Arrivederci a voi. Arrivederci, buona giornata. J'espère que la visite aura été intéressante. Il fatto fondamentale che. Le fait fondamental qui est à l'origine de l'institution de l'Inquisition romaine. Romana. Col luteranesimo c'è una sfida di tali dimensioni. Et que le luthérianisme représente un tel défi que le pape Paul III crée une inquisition centrale en 1542. Les protestants accusent l'Église catholique de trahir la vraie tradition chrétienne. Il comportamento della Chiesa non corrisponde all'insegnamento evangelico. Il dénonce le comportement de l'Église qui ne correspond pas à l'enseignement évangélique. Molti dei dogmi cattolici et accuse de nombreux dogmes catholiques accusati di essere delle invenzioni che non hanno un fondamento biblico. D'être de pures inventions sans fondement biblique. Questo produce che la Chiesa di Roma viene accusata di aver deviato dalla base scritturale. Qu'est-ce que cela a pour effet? Eh bien, l'Église de Rome, accusée d'avoir dévié des Écritures saintes, seguire se sent alors obligé de les suivre à la lettre. I testi sacri. Quindi nasce una specie di gara. Cela produit une rivalité entre protestants et catholiques. Per far vedere che ciascuno segue a chi sera le plus fidèle à la Bible. E da qui nascono c'est le point de départ des complications scientifiques. Pietro Redondi, où est-ce que nous nous trouvons ici? Ah, ici, c'est l'église de Sainte-Marie des Anges des Martyrs, qui est une église datant des années 60 du XVIe siècle, envisagée, projetée par Michel-Ange, une dizaine d'années après le Concile de Trente. Ce que je trouve surprenant de cette église, c'est l'idée même d'absorber dans un espace sacré, de faire donc une église à la place d'un lieu tout à fait profane et païen, tel que les termes de Dioclétien, ces termes colossaux de l'Empire romain. C'est donc l'idée de l'Empire. L'Empire romain, la plus grande puissance de l'histoire, retrouve sa modernité sous la forme de l'Empire catholique, le pouvoir. C'est ça qui compte. C'est plus la foi profonde chrétienne d'origine, c'est l'idée qu'il faut gouverner, dominer, et on empire sur les consciences. D'où, à la même époque, c'est la construction du tribunal du Saint-Office, le tribunal des consciences par définition. D'où le choix que font les autorités catholiques de retrouver et d'imposer cet absolu perdu qui passe par une idée de pouvoir, d'absolutisme. Cardinali, inquisitori generali contre l'eretica pravità, essendo tu Galileo, figlio di Vincenzo Galileo. Galilée, en 1615, suite à décision inquisitoriale de mettre à l'index le livre de Copernic, où on enseignait comme si c'était la vérité, la théorie héliocentrique, avait déployé une campagne en faveur de la compatibilité des passages, des rares passages où la Bible évoque l'immobilité terrestre et le mouvement du soleil autour d'elle, en expliquant que la Bible, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un livre de foi religieuse qui enseigne la morale. Et donc, c'est pas un livre d'astronomie. Mais, néanmoins, le même Dieu qui a dicté, qui a inspiré les prophètes dans leur écriture de l'Ancien Testament, est celui qui a créé l'univers. Donc, dit Galilée, les deux livres, les livres de la Révélation, les livres de la nature ne peuvent pas se contredire, parce que l'auteur est le même. Alors, Galilée dit qu'il faut faire un effort pour éviter les contradictions apparentes qui sont dues à notre ignorance. Donc les savants sont utiles, il le dit, il faut que les théologiens deviennent des savants, apprennent un peu d'astronomie et de mathématiques, ou bien qu'on nous laisse, nous, le droit de contribuer à la meilleure intelligibilité de la vérité biblique. Vous voyez, il y a au fond un désir de renouveau, renouveler la foi, la manière de lire la Bible. Ce n'est pas quelqu'un d'indifférent qui pense à ses découvertes. Sur la place de la basilique Saint-Pierre au petit matin. Il y a déjà des groupes de touristes, de visiteurs qui envahissent l'esplanade. Et nous, on est à la recherche du bâtiment qui abrite les archives secrètes du Vatican. Et c'est là que nous allons rencontrer Monseigneur Pagano. Mi dispiace per te, ci ho provato. Allora, il portiere vedo o l'entrata è questa da porta da due persone a sinistra o è dall'altra parte. Dopo l'acqua a destra c'è un grande palazzo, anche il vigile lo sa, il gendarme siede già molto vicino. Dopo l'acqua a destra c'è un grande palazzo. Due ingressi sono uno per la biblioteca, l'altro per archivio segreto. Non lo so quale, ma sono due. Sua Eccellenza, grazie tantissimo di accoglierci qui nel suo ufficio. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Ci troviamo nei Palazzi Apostolici, sotto una delle gallerie dei musei. L'archivio occupa un intero piano. Sotto di noi vi è l'ingresso. Nous sommes dans les Palais Apostoliques, sous l'une des galeries des musées du Vatican. Les archives occupent un étage entier. En dessous se trouve l'entrée par la cour du Belvédère. Vous êtes le directeur des archives secrètes du Vatican. Vous vous êtes chargé de l'édition des actes du procès de Galilée. Donc, io preparai la prima edizione del processo per volontà di Giovanni Paolo II. J'ai préparé la première édition des actes du procès de Galilée selon la volonté du pape Jean-Paul II, en étudiant le dossier qui est conservé ici, dans les archives secrètes du Vatican. Si tratta di documenti originali coevi, redatti. Il s'agit de documents originaux contemporains aux événements, rédigés par le Saint-Office en 1616. Et en 1633. Uno scontro tra Galileo e Urbano VIII, soprattutto dopo. Qui montre un affrontement entre Galilée et le pape Urbain VIII. Quella fu la rottura. Surtout après que la publication par Galilée du dialogue sur les deux systèmes du monde. Si pensava che Galileo potesse avanzare la teoria. Ce livre provoqua la rupture, car jusqu'en 1632. Galilée avait le droit de présenter la théorie de l'héliocentrisme comme une hypothèse. On en vint à une condamnation où Galilée dut courber les chines et contre sa volonté dut abjurer et signer. Il donna la preuve d'être un bon catholique en obéissant à l'Église tout en étant convaincu d'avoir raison. Et est-ce qu'il est vrai que Galilée, au moment où on lui a fait connaître sa sentence, a prononcé la phrase « Et pourtant elle tourne » Può darsi, io credo difficile, perché Galileo è in ginocchio, con la candela accesa in una mano destra. Mais cela me semble difficile à croire. La destra tocca il Vangelo. Car Galilée est agenouillé avec une bougie allumée dans la main gauche, la droite posée sur l'Évangile. Il doit prononcer son abjuration. Ce n'est pas le moment de lancer des petites phrases. Galileo da una parte era convinto delle sue ragioni e Urbano VIII Barberini. Galilée était convaincu d'avoir raison et le pape Urbain VIII tout aussi décidé à affirmer son autorité et à avoir le dernier mot. Et pourtant au départ le pape Urbain VIII et Galilée sont des amis. Erano amici e discutevano di queste cose. Ils étaient amis et ils discutaient de ces sujets tant que le pape était cardinal. Questo è il ricontro, questo del 20 settembre 1734. C'est à ce moment-là que Galilée subit l'enquête qui mènera jusqu'à sa condamnation. Ah, anche questo? Ah, questi qua ora devo guardare allora. Ah, ho capito, io mi ero fermata a questi, quindi devo consultare anche questi. La recherche est autre chose, parce que je ne suis pas, j'ai pas démarré pour réétudier, pour réformer l'interprétation traditionnelle du procès de Galilée. Je m'occupais de sa physique. Je travaillais sur la physique de la lumière de Galilée et j'étais très intéressé par la théorie de la matière que Galilée avance et qui, dans l'essayeur, arrive à une déclaration générale d'adhésion de Galilée à l'atomisme ancien. Et dans ce livre, Galilée prenait position. Ce sont des pages qui sont passées dans les annales de l'histoire de la philosophie parce qu'il déclare que tout ce que nous voyons, sentons, goûtons du monde, c'est-à-dire toutes les qualités sur lesquelles se fondait la théorie de la connaissance d'Aristote, étaient des illusions, des impressions produites sur nos organes des sens sensoriels par des courants, des émissions corpusculaires invisibles qui émanaient des choses et qui arrivaient à blesser nos terminations nerveuses. Ça, c'est son interprétation la plus avancée de la structure de la matière au moment de la publication en 1623 de l'essayeur. Le problème, c'est que ce livre se lance comme un brûlot contre l'enseignement aristotélicien que les jésuites, l'ordre le plus moderne de l'église de la contre-réforme, donnaient au collège romain à propos d'une dispute sur la nature des comètes. Et la discussion sur les comètes s'est tournée en une discussion sur la philosophie naturelle. Les atomes au lieu que les qualités. Tout ce qui fait la couleur, l'odeur, la saveur du monde, c'est-à-dire la connaissance que nous avons des choses, se transforme en un réseau invisible de mouvements, de courants, d'émissions, de matière. Donc tout est matière à l'origine. On savait, tout le monde savait, qu'il y avait eu une dénonciation au sujet de ce livre de Galilée concernant les comètes et puis détourné en une discussion philosophique. Et l'histoire traditionnellement considérait que c'était probablement une dénonciation portant sur le copernicianisme de Galilée. Je pense que Galilée était copernicien tout le temps. Même quand il dormait, il était copernicien. Il n'avait pas besoin d'écrire en livre. Jamais il n'a abandonné la foi copernicienne. Il était même un peu extrémiste dans sa foi, dans la vérité copernicienne. Ce que j'ai pu trouver en 1882... aux archives du Saint-Office, qui à l'époque était fermé encore à la recherche, mais j'avais eu une autorisation, était une dénonciation de l'essayeur, effectivement, oui, mais qui ne portait point sur la théorie des comètes, elle portait sur la thèse de la nature matérielle, atomistique, la philosophie matérialiste, démocritéenne, pour bien comprendre, quel est le document que vous avez trouvé lors de ces recherches dans les archives du Saint-Office ? C'est un rapport anonyme, sans date, mais qui visiblement remonte à l'époque où Galilée était vivant, parce qu'on ne fait aucune mention de sa condamnation de 1633, donc c'est un document antérieur au procès de Galilée. Et on signale à l'autorité inquisitoriale ce livre qu'il a publié, où il défend ses thèses de la nature atomique, des couleurs, des saveurs et des odeurs. Et il rappelle que l'Église, au Concile de Trente, a érigé sous forme de dogme la description, non pas l'explication, parce que les mystères de la foi, on ne les explique pas, autrement, ce n'est plus des mystères, mais on les doit décrire. On doit les comprendre en tant que mystère. Il s'agit du miracle de la messe. La transsubstantiation est un terme qui est devenu officiellement doctrinal au Concile de Trente, en mettant fin à tous les débats que pendant des siècles avaient entouré entre les différents ordres religieux. Qu'est-ce que c'est la véritable nature du miracle de la messe ? Le miracle consiste dans la permanence, miraculeuse justement, des apparences sensibles de la chaleur, de l'odeur, de la saveur, du pain et du vin consacrés, dont la substance, la matière, a complètement été transformée par la consécration, un véritable corps et un véritable sang de Christ. Il y a, par miracle, le corps de Christ. C'était le grand problème que le protestant avait refusé d'admettre, ce cannibalisme, comme il le condamnait, pour une image différente, un rôle symbolique de la communion. C'était la communion, c'était pas le sacrifice qui se répète sous les autels des églises catholiques. Donc Galilée vient toucher un point très crucial pour l'Église. Ben oui. Et on se demande combien il était conscient, parce que tout le monde à l'époque savait que cette question de l'odeur, la saveur et la couleur des espèces consacrées était vraiment le point d'affrontement de la théologie protestante et de la théologie catholique. Alors il a défié, c'est là le point le plus avancé de son désir de permettre à la science de renouveler ses fondements philosophiques. Et l'accusation anonyme contre l'atomisme de Galilée ? Non, questo aspetto fu una tesi non sostenibile, avanzata da uno studioso della scienza italiano, Pietro Redondi, che scrisse un libro, non, Galileo. C'est une thèse qu'on ne peut pas soutenir, avancée par un historien des sciences, Pietro Redondi, qui a écrit Galilée Hérétique, selon laquelle Galilée aurait été accusé d'atomisme et d'avoir nié par sa théorie des atomes la transsubstantiation eucharistique. Mais Galilée n'a jamais abordé ce sujet, et la dénonciation provenant d'un anonyme, encore aujourd'hui nous ne savons pas de qui venait cette lettre, parce que la signature est coupée, mais c'était l'usage du Saint-Office, il n'y a rien de bizarre là-dedans. J'ai trouvé cette dénonciation en 1984, lorsque je préparais la première édition des Actes du procès de Galilée. J'ai publié cette lettre, mais j'ai démenti qu'elle ait jamais eu de suite. Le fait est que cette dénonciation n'a pas eu de suite. Le Saint-Office ne s'occupa pas de Galilée en tant qu'hérétique, n'entreprit rien, et la question resta, peut-être, interne à une polémique parmi les jésuites. Peut-être, comme le dit Redondi, mais moi je n'ai jamais cru. Je pense avoir démontré que cette dénonciation n'a jamais eu de crédit. Ce que je me demande, étant donné les anomalies que présente le procès de Galilée pour son copernicianisme, ce document de 1616 qui n'a pas de signature, si on a centré la condamnation sur un crime astronomique qui était des désobéissances, plutôt que d'investir le procès de Galilée sur un terrain extrêmement miné, et extrêmement compromettant pour le pouvoir et le pape qui avaient protégé Galilée, C'est le silence total sur cette accusation qui a reçu une approbation de la part même des consulteurs du Saint-Office, qui avait dit effectivement l'atomisme et l'Eucharistie ne vont pas ensemble, on ne peut pas les concilier. Donc il faut ouvrir une instruction et voir qu'est-ce que pense vraiment Galilée du point de vue religieux. S'il est un bon chrétien, un bon catholique romain, ou bien s'il a un penchant hérétique par sa philosophie naturelle atomiste. Le fait qu'on n'en a pas parlé m'a amené à émettre à titre d'hypothèse qu'il y avait des accusations peut-être plus lourdes qu'on a préféré laisser de côté et concentrer le procès sur, en terrain sûr. Galilée était un copernicien notoire et donc on l'a condamné pour une raison qui ne mettait pas en jeu des questions théologiques profondes comme celles qui avaient été suscitées au moment de la publication de l'Essayeur. Il faut dire d'ailleurs que l'Essayeur avait été dédié au pape, au nouveau pape Urbain VIII. Donc vous voyez, si on avait découvert que le livre dédié au pape contenait une thèse que pour les jésuites, l'ordre le plus important de l'Église de l'époque, contenait en danger d'hérésie eucharistique, non pas d'hérésie astronomique. En effet, Galilée a pu être condamné. Officiellement, tout étant condamné à la prison à vie, a été dispensé d'être emprisonné. Et il a pu terminer sa vie dans sa villa sur les collines de Florence, Architrier. Et il a pu même publier son livre scientifiquement plus important, c'est-à-dire les discours et démonstrations mathématiques sur de sciences nouvelles. Ce livre où se trouvent tous les théorèmes de la mécanique naissante. Monseigneur Pagan, vous êtes le directeur des archives secrètes. L'édition critique des actes du procès de Galilée que vous avez publié, est-ce qu'il existe le même travail à propos du procès de Giordano Bruno ? No, purtroppo no, perché il processo di Giordano Bruno noi non l'abbiamo. Non, hélas non, parce que le dossier du procès de Giordano Bruno, nous ne l'avons pas, il est perdu. Peut-être a-t-il brûlé à Paris au moment du transport des archives par Napoléon, qui fut désastreux pour nous, car plus de 2000 dossiers de procès ont brûlé. Peut-être a-t-on perdu Giordano Bruno à ce moment, peut-être plus tôt, on ne sait pas. Nous avons le résumé du procès, mais ce n'est pas le procès dans son intégralité. Il caso di Giordano Bruno per me è tutto diverso da quello di Galileo. Pour moi, le cas de Giordano Bruno est totalement différent de celui de Galilée. Se si leggono le opere di Giordano Bruno, qui si tratta di magia. Si on lit les œuvres de Giordano Bruno, il s'agit de magie, de nécromancie, di visioni astrologiche, de visions astrologiques, de panthéisme. Panteismo, cioè Giordano Bruno sarà stato. Giordano Bruno était peut-être un génie, difficilmente era comprensibile, mais un génie difficilement compréhensible. Lo fa vivere nella natura. Il dit Dieu, puis il le reconnaît, puis il le fait vivre dans la nature, puis il croit à plein de choses. Era logico pensare a una condanna di Giordano Bruno. Era logico. Purtroppo. C'était logique de penser à une condamnation de Giordano Bruno. Hélas, la condamnation comporta le bûcher, qui est le pas suivant. Bûcher qui laissa une impression terrible, comme on sait dans l'histoire. D'après moi, il fallait arriver à la condamnation. Il y avait des raisons, parce qu'il s'agissait vraiment d'hérésie. Il y avait et il y a hérésie dans les œuvres de Giordano Bruno. Quiconque les lit peut le voir. À partir du moment où on lui a fait un procès quand il était tout jeune, parce que jeune moine, il lisait Erasme, si c'est de la persécution, oui, cette persécution a joué un rôle productif en l'amenant à écrire. Elle a été en même temps, cette persécution, l'origine de sa légende, puisque c'est le procès et la mort de Bruno qui ont fabriqué le Bruno mythique, légendaire. Si c'est de la persécution que de l'avoir excommunié, et il l'a été trois fois, par les catholiques, par les luthériens, par les calvinistes. Oui, cette persécution-là a été productrice parce qu'il a pris conscience, à cause même de cette intolérance, de la nécessité de réagir et d'écrire une œuvre qui soit à la fois philosophique et engagée. Donc, il ne faut pas limiter la persécution dans le cas de Bruno au procès de l'Inquisition. Tout ça a commencé dès son enfance. Si vous donnez à persécution un sens large, oui, c'est un écrivain persécuté. Ses derniers mots à coloro che l'hanno condannato, à ceux qui l'ont condamné, prima che gli mettessero la mordacchia, un chiodo. Avant qu'il ne lui plante ce clou dans la langue pour l'empêcher de parler, Danilo Nigrelli, il fut transporté vers Campo dei Fiori sur une charrette avec ce clou dans la langue. Le ultime sue parole sono: avete più paura voi. Ses derniers mots furent: c'est vous qui avez le plus peur. Vuol dire avete più paura voi delle mie parole che io della morte. C'è questa cosa dell'eresia. C'est-à-dire, vous avez plus peur de ce que je dis che moi de la mort. Tranne che dell'uccisione di Giordano Bruno. Questo non è un caso. L'eresia. Hanno chiesto scusa per Galileo. L'Église s'est repentie d'un tas de choses, mais pas d'avoir tué Giordano Bruno. Ce n'est pas un hasard, selon moi. Ils ont demandé pardon pour Galilée, pour certaines sorcières tuées, mais jamais pour Giordano Bruno. Au fond, et là, il y a une reprise de la pensée du banquet de Platon, et donc de la pensée de Socrate, quand il dit que le véritable philosophe est au centre entre les dieux et les ignorants. Les dieux ne cherchent pas la vérité parce qu'ils la possèdent déjà. Les ignorants ne cherchent pas la vérité parce qu'ils croient de la posséder. Mais le véritable philosophe sait que toute sa vie, il essaiera d'embrasser le savoir et un savoir que lui échappera. Nous pouvons chasser la vérité, mais après d'attraper la proie, c'est une autre chose. S'il était disponible à reconnaître sur le plan religieux certaines erreurs, sur le plan de la philosophie, il n'était pas disponible. Si la dissimulation coïncide avec la destruction de la vérité, alors pour Bruno, il faut affronter la mort. Et donc c'est pour ça que pendant le procès, il a essayé de se défendre, de dissimuler ses positions sur le plan religieux, mais sur la conception de l'infinité de l'univers, sur sa vérité philosophique, je pense que Bruno a refusé tous les compromis, toutes les médiations possibles, parce que là, c'était sa vie. Merci à Iversan, Nuccio Ordine, Ugo Baldini, Pietro Redondi, Danilo Nigrelli, Maria Mantello, Daniele et Monseigneur Pagano. Voix de traduction Thierry Beauchamp et Gilles Davidas. Prise de son Jean-André Giannichini. Mixage Manuel Couturier. C'était Philosophie et religion, le risque d'hérésie. Giordano Bruno et Galilée face à l'Inquisition. Un documentaire d'Élise Gruau réalisé par Angélique Thibault.